Souvenir d'une nuit d'été par André Theuriet. Au commencement de juillet 1866, j'avais été invité à dîner à Versailles, dans une maison hospitalière et amie, où les artistes et les poètes étaient accueillis à cœur ouvert. « Ne manquez pas de venir !» m'écrivait l'aimable maîtresse du logis. « Vous vous trouverez en compagnie de fervents amis de la poésie. De plus, je vous ménage une surprise pour le dessert. » Je n'avais garde de faire faux bond. À 6 heures, j'étais à Versailles, dans une des rues les plus calmes du quartier Saint-Louis, sur le seuil d'une maison blanche et avenante, qu'entourait à demi un jardin plein de grands arbres et de rosiers grimpants tout en fleurs. La plupart des convives étaient déjà arrivés, tous poètes et tous jeunes. Je reconnaissais déjà quelques-uns de nous, avoir lu leurs vers dans le premier Parnasse de Lemaire. Nous étions déjà assis autour du potage quand un dernier convive fit impétueusement son apparition. On l'accueillit avec des poignées de main et on me le présenta. « Monsieur Henri Regnault !» Je fus immédiatement frappé de cette individualité énergique, généreuse, loyale et bien vivante. Il y avait de la jeunesse et de l'en-avant dans toute sa personne. Dans sa tête fière au fond large, surmontée d'une forêt de cheveux crépus, dans ses yeux chercheurs, profonds et étincelants, dans sa voix vibrante. Il arrivait de l'école des Beaux-Arts où il était en loge depuis quelques semaines déjà, et il était en proie à toutes les fièvres de l'exécution. Tout en dînant avec cette expansion et cette verve qui caractérisaient sa nature communicative et en dehors, il nous contait ses doutes et ses préoccupations. Il s'était mis avec ardeur au travail, mais l'inspiration ne venait pas. La figure de sa tétis lui déplaisait, il la trouvait banale, et n'ayant plus que 2 semaines devant lui avant la clôture du concours, il se décourageait et voyait déjà tout perdu. Néanmoins, la jeunesse remontait à la surface de ce découragement, et il faisait gaiement honneur à l'excellent dîner de notre hôtesse. Le vin de Bourgogne avait délié les langues, les discussions sur l'art et la poétique parnassienne avaient recommencé de plus belle, quand un froufrou de jupe soyeuse, traînant contre les bordures des plates-bandes, nous fit tourner la tête. C'était la surprise annoncée pour le dessert. Je vis s'avancer dans l'encadrement vert des massifs une jeune fille de 18 ans à peine, de taille moyenne, admirablement faite, blanche, blonde avec des yeux et des sourcils noirs, un large front intelligent, une bouche mignonne et impérieuse, des traits fermes et purs et une démarche de jeune déesse. Je la reconnus tout d'abord pour l'avoir remarquée au concert Pas de Loup, où elle applaudissait avec enthousiasme la symphonie en ut mineur et le prélude de Lohengrin. Pendant qu'on la saluait et qu'on l'entourait, la maîtresse de la maison me conta en quelques mots son histoire. Elle habitait Versailles avec son père, un vieux savant qu'il avait élevé d'une façon excentrique. Très intelligente, remarquablement douée, elle composait des mélodies d'une couleur originale sur des vers qu'elle rimait elle-même. « Vous l'entendrez tout à l'heure, » ajouta notre hôtesse, « et vous serez émerveillée. » Après qu'on eut pris le café et fumé au jardin, on rentra au salon et la jeune fille se mit au piano sans se faire prier. En effet, on ne nous avait pas trop vanté son talent. Pendant plus de 2 heures, elle nous charma avec son étrange voix de contralto, tantôt sourde et presque rauque, tantôt extraordinairement vibrante. Ses mélodies avaient une couleur éclatante, un rythme bizarre, quelquefois caressant et berceur, comme un murmure d'eau courante, d'autres fois saccadée et emportée comme une galopade de chevaux sauvages. Elle les chantait d'un air inspiré, la tête haute, les narines palpitantes, avec une fougue capricieuse, pareille à celle qu'apportent les tziganes à l'exécution de leur tsardas. Je me rappelle surtout un morceau qu'elle nommait le chant du chamelier et où revenaient souvent ces 2 vers. Au pays où le ciel flambe, le grand sphinx s'est endormi. Quand elle attaquait ce refrain aux notes graves et chaudes, il nous semblait être transporté en plein Orient. Nous avions la sensation du désert illimité et brûlant, où de vigoureux profils de palmiers se découpent sur un ciel rougeur d'incendie, tandis qu'auprès des chameaux agenouillés, la voix du chamelier s'envole dans le silence du soir, avec les filets de fumée qui montent en ligne droite et mince dans l'air calme. Nous battions des mains, nous ne nous possédions plus. Regnault surtout était comme enivré par cette musique. Ses yeux étincelants restaient fixés sur la chanteuse et dans son enthousiasme exubérant, il s'écriait « C'est une déesse, c'est une valkyrie !» Quand le piano fit silence, il était près de minuit. Mais nous étions montés à un tel diapason que nous ne pouvions plus nous quitter. Quelqu'un, voyant le ciel plein d'étoiles, proposa une promenade dans les bois de Satori qui étaient voisins. On accueillit la proposition avec des cris de joie, et nos hôtes, toujours aimables, eurent la bonté de nous y accompagner, ne voulant ni gâter notre plaisir, ni laisser sans chaperon la jeune musicienne au milieu de cette bande de poètes écervelés. Nous voilà grimpant comme des fous le long des sentiers de chèvres, jusqu'au sommet du bois. La nuit était tiède, le clair de lune promenait sa féerie à travers les futaies. Les châtaigniers en fleurs exhalaient une odeur pénétrante. De temps en temps, une voix chantait, ou bien une ardente discussion esthétique s'élevait sous les branches. Je ne suis pas bien sûr qu'à ce moment-là, chacun de nous ne fût pas sérieusement persuadé qu'il était en train de passer demi-dieu tout au moins. Regnault, inquiet et nerveux, allait d'un groupe à l'autre, parlant de poésie et de musique, puis tout à coup tombant dans de profonds silences. À une lisière, les étoiles reparurent, on se mit à causer astrologie, et notre jeune chanteuse proposa à Regnault de lui dire la bonne aventure. Je la vois toujours, la tête à demi enveloppée d'un châle rouge, tenant gravement la main de l'artiste qui s'était agenouillée, tandis que le poète B frottait allumette sur allumette pour permettre à la devineresse de distinguer la ligne de vie et la ligne de fortune. Quelques semaines après, l'exposition des concours de peinture pour le prix de Rome s'ouvrait à l'école des Beaux-Arts. J'y courus, et la première chose qui me frappa dans la toile de Regnault fut la tête de Thétis, où je retrouvais la saisissante figure de notre chanteuse des bois de Satori. C'était bien les traits purs et fiers, l'attitude, l'inquesu patuit dea de la jeune musicienne. Le lendemain de notre course à travers bois, le peintre était arrivé tout en fièvre dans sa loge. Il avait bouleversé son tableau, modifié la composition et substitué à la Thétis banale et conventionnelle cette jeune et majestueuse déesse qui s'avance en soulevant le rideau de la tente, la tête haute, droite, avec une épaisse chevelure d'or, retombant sur son dos comme une crinière. Regnault eut le prix et partit pour Rome en 1867. Je le perdis de vue, mais j'assistais et j'applaudis à ses rapides et éclatants succès des salons de 1861 et de 1870. Nous devions nous rencontrer une fois encore, dans un bois, le 19 janvier 1871, à Buzenval. Mais cette fois, sans nous voir, pendant une sombre et froide soirée d'hiver, traversée par les éclairs des coups de feu et les sifflements des obus. Coïncidence étrange, ce sinistre bois de Buzenval où Regnault, couché dans les feuilles sèches, expirait, frappé par une balle prussienne, deux lieues à peine le séparaient de la futaie de Satori, où j'avais entendu le peintre de verve et de jeunesse chanter à la clarté des étoiles. C'était « Souvenir d'une nuit d'été » par André Theuriet.